Le lendemain, vers 10 h, le téléphone me réveilla. C'était Lehmann. Viens tout de suite, le patron veut te voir. Pourquoi ? Ma foi, je n'en sais rien. Peut-être quelques petites coupures. Dis-lui qu'après le succès d'hier soir, je ne vois absolument rien à couper. Viens lui dire toi-même. Il raccrocha. Inquiet et furieux, je partis pour le théâtre. Une longue queue sortait du hall et s'allongeait sur le trottoir de la rue Blanche. Lehmann triomphal m'accueillit. La queue n'arrive pas encore à la rue La Bruyère, mais elle l'atteindra vers midi, me dit-il. Il était nullement question de coupure. Le patron, grand expert en publicité, avait demandé un service d'ordre, comme s'il redoutait quelque bagarre, et trois superbes gardiens de la paix, visibles de fort loin, canalisaient le flot descendant. Alors Lehmann téléphona aux écotiers qu'il avait dû appeler la police pour contenir la ruée d'une foule en délire, pendant que Juliette, avec une rapidité magique, distribuait loges et fauteuils. Voilà l'un des mystères du théâtre, car il ne s'agit pas d'un fait unique, mais d'un cas très général. 10 h à peine après le dernier rideau, tous ces gens au réveil avaient appris notre succès, avant que l'opinion des critiques se fût exprimée dans les journaux. D'ailleurs, pour un échec, le résultat est le même. Une seule explication vient à l'esprit. Les spectateurs de la Générale ont téléphoné à leurs amis, mais c'est difficilement croyable. Il faudrait que plusieurs centaines d'entre eux aient pris la peine d'appeler leurs connaissances vers 1 h du matin ou dès leur réveil. On peut également invoquer les courtes notes du soiriste qui paraissent dans quelques journaux du matin. Mais cette explication, qui me semble insuffisante, est sans doute la seule possible. Elle prouve le très grand intérêt que le public parisien accorde à l'art dramatique.